Le secrétaire scientifique de l'Association d'études du kimsunisme kimjonglisme de l'Extrême-Orient de Russie a publié une dissertation titrée « Le programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée est-il vraiment dangereux ?» Il indiquait notamment « Les faits montrent que l'arme nucléaire de la Corée n'est pas une menace pour la paix, comme le prétend l'Occident, y compris les États-Unis. » La Corée, qui a éprouvé directement la guerre, a mis au point l'arme nucléaire pour empêcher la menace de guerre nucléaire des États-Unis, préserver le régime social et assurer le climat pacifique de la région.